Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Danny Bouchard explique que ça vient d'un peu partout en province. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant qu'en fin de semaine, c'est la 18e édition de la classique de volleyball. Family Prix, Janie Larouche. En entrevue hier sur les ondes de dernièresdesport.com, Danny Larouche, qui est le président de cette classique, explique évidemment qu'il y a de plus en plus de demandes pour ce tournoi. Et, on pensait pas de se rendre là, mais cette année, ça fait beaucoup de matchs, on va dire, dans la fin de semaine. Ça fait beaucoup de matchs. On est vraiment... Lac-Saint-Jean, on a peut-être... l'année dernière, on avait fait on avait sorti les statistiques là, des régions, des équipes, et genre que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait, l'année dernière, on avait 74 équipes, je crois. Okay. Sur 74, il y en avait 21 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis tout le reste, c'était toute la région de l'Outaouais, Montréal... L'équipe canadienne au tournoi Ivan Lincoln l'a emporté encore une fois 7-1 hier contre la République tchèque, le pays hôte. Hendrix Lapierre s'est signalé avec une production de 1 but et 2 passes. Et également, ben, on termine avec un résultat de soccer. Il y avait seulement un match de soccer qui nous intéressait hier. C'est un match qui avait lieu hier entre la formation du Chinook de Chicoutimi et l'Union de Roberval. Verdict nul de 1-1. C'est un match de la catégorie U16 féminin. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Caroline Delisle, évidemment, de la Coupe Rogers. Également, je me suis entretenu aussi avec Danny Bouchard, qui est le président de la classique de volleyball, Janie Larouche, Family Prix. Le sport local et régional à danradiosport.com, on s'en occupe.